Moi j'ai vu Les Visiteurs, la régression, la révolution, pardon. Il commence bien. Autant vous le dire d'emblée, ça n'est pas une révolution cinématographique. Oh. Alors tout commence par un texte résumant les épisodes précédents qui défilent en perspective. Ça vous rappelle pas quelque chose, hein? Donc c'est soit un clin d'œil complètement raté et déplacé à Star Wars, soit un honteux plagiat, je sais pas. En tout cas, même dans Les Visiteurs 2, on avait une ouverture travaillée, probablement d'ailleurs la séquence la plus bossée du film. C'était un livre ancien avec des vidéos intégrées résumant le premier opus. Ici, rien de tout ça, hein. Un fond blanc, un texte blanc, un fond noir et paf, ouverture du film. Voilà, c'est pauvre, c'est dépassé, c'est le ton du film, hein, finalement. Donc je pense que j'ai pas besoin de pitcher, hein. C'est notre duo moyenâgeux préféré qui se retrouve au cœur de la Révolution française. Cette époque est à double tranchant. D'un côté, il n'y a aucun électrochoc pour le spectateur, puisque rien ne se situe à notre époque. Et je pense que, en tout cas pour moi, c'est le plus gros défaut du film, parce qu'on ne peut pas s'identifier. Bon, alors attention, hein, je m'identifie ni à la Bourges, ni à la Clodo du XXe siècle, mais les codes et les normes étaient les nôtres. Et ce décalage-là, qui était drôle dans les premiers opus, n'est plus là du tout. Ce défaut mis à part, ça aurait pu être super génial comme idée, hein, puisqu'on arrive à une époque où la famille de Jacouille, les gueux donc, prennent les biens aux nobles, la famille de Montmirail. Seulement tout ça n'est pas du tout exploité. Genre pas du tout du tout. C'était très intéressant dans le premier film, c'était cet aspect inversé des richesses, hein. On retrouve ça dans beaucoup de constructions de récits, c'est très enrichissant. Mais là, les personnages s'en fichent complètement. C'est-à-dire que c'est même pas exploité, ne serait-ce qu'en surface, comme dans le 1. Donc on pourrait être face à une satire sociale aussi drôle que bien pensée, mais non, on est devant un scénario crétin, pauvre et inabouti. C'est-à-dire, il y en a, hein, des scénarios bidons, hein, qui s'assument bidons et qui le sont de A à Z. Mais alors ici, on nous sort une idée pas trop mal en guise de quête pour les héros, aller sauver le dauphin, le remettre sur le trône, etc. Mais elle n'aboutira absolument jamais, sans explication, sans un regret de la part des personnages. Aucune trame scénaristique ne se suit. C'est, voilà, le scénario est juste complètement raté. C'est insensé d'arriver au bout d'1h50 de film et de se dire « Mais du coup, l'histoire n'a pas de fin !» Alors, je parle pas de la fin, je parle juste de la fin de l'arc narratif, pas de la toute fin du film. La toute fin du film, on s'en doutait tous, la fin est ouverte comme dans les précédents films. Et au final, elle est très couillue. Je révélerai pas quoi, parce que sinon c'est con, parce que c'est le seul truc bien du film, quoi, finalement. C'est très couillu. Mais je pense qu'il n'y a aucun scénario convenable pour une suite avec cette fin-là. Je pense que tout a déjà été exploité dans un registre comme celui-là. Donc certains y verront peut-être un clin d'œil à un autre film de Jean-Marie Poiret. Moi, j'y vois une tentative ratée à mi-chemin entre le commercial et le faussement polémique. Voilà, peut-être que vous aurez deviné de quelle époque il s'agit. Je ne le dirai pas pour pas avoir de problème. Donc, en parlant de Jean-Marie Poiret d'ailleurs, donc certains savent ici que je ne porte pas ce réalisateur dans mon cœur. Ah bah bon. Je vous jure. Autant l'humour des Visiteurs 1 me plaît, autant la patte cinématographique de Poiret est une agression visuelle et une atteinte à mon oreille interne. Il y a certaines règles au cinéma et il y a très peu de transgresseurs. Ces transgresseurs-là sont des génies. Bon, bah c'est pas le cas de Poiret, hein. Les cadres sont d'une nullité absolue. On a un placement des personnages complètement incohérent d'un plan à l'autre. Des raccords dans l'axe à foison. Oui, à foison. C'est joli l'expression. Le montage est tellement nerveux que l'aspirine devrait être une obligation quand on achète le ticket. Un peu comme les lunettes 3D finalement. Tu vas voir un film de James Cameron, tu prends tes lunettes 3D. Tu vas voir un film de Jean-Marie Poiret, tu prends ton petit cachet d'aspirine. ajoutons à ça une image horriblement invraisemblable, des nuits américaines ridicules, mais ridicules. Franchement les gars, 25 millions d'euros de budget, vous pouvez pas vous payer une équipe de nuit? Non mais sérieusement? Déplacements produits foireux qui sont ni classe ni discrets, un rythme long, lent et surdialogué. Et oui, on peut faire un montage nerveux mais pondre un film lent, c'est incroyable, ça vient de sortir et c'est signé Jean-Marie Poiret. Merci Jean-Marie. Bon, je reconnais que les décors et les costumes sont top, mais avec ce budget-là, je m'attendais à du grandiose, je m'attendais à des milliers de figurants, à plein de décors, mais non. L'action se passe principalement dans un immeuble parisien qui pue le studio de la Seine-Saint-Denis, Gilles Bottineau me souffle dans mon oreillette que ça a été tourné en décor naturel. Bon bah du décor naturel qui fait studio, c'est pire que prévu. Côté comédien, Christian Clavier crève l'écran. Par contre pour moi c'est vraiment le point positif du film. Je trouve qu'il évince carrément les seconds rôles qui sont pourtant connus et talentueux et très rafraîchissants. Il fait aussi de l'ombre à Jean Reno qui est encore plus en retrait que dans le 2, avec quasiment aucune réplique, rien de culte en tout cas, et toujours ses yeux de poisson mort qui décidément ne correspondent qu'à Léon, nettoyeur. En plus, il a quasiment zéro réplique, si ce n'est une jolie boucle temporelle où il propose le nom de Jacquard à la descendance de Jacouille. C'est le seul effet scénaristique appréciable de tout le film. Les seconds rôles comme Karine Viard, Harry Habitant ou encore Franck Dubosc apportent de la fraîcheur, certes, et du sang neuf, mais le film est déjà poussiéreux, donc ça ne sert à rien. En revanche, quelques rôles étaient carrément en décalage total avec le film, notamment celui de Sylvie Testu et celui de la jeune monarchiste de la famille Montmirail, je ne sais même plus son nom, Victoire quelque chose, Antoinette Victoire, je ne sais plus son nom. Même je ne le connais pas. Ces deux personnes-là prennent très au sérieux leur rôle et apportent un premier degré, mais totalement hors de propos au film. Hors de propos, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment dans leur trip révolutionnaire ou monarchiste pour l'autre. Je crois qu'elles sont juste plantées de plateau de tournage. Du coup, bon, bah, j'ai pas parlé de l'humour parce qu'il paraît que c'est une comédie. Les gags de Jacouille sentent le réchauffer. Seules les répliques d'Alex Lutz valent le coup et font sourire. Et encore, sourire, bon, c'est vite dit. On sourit quelques fois, mais on ne rigole vraiment pas. Et je crois que la seule fois où j'ai rigolé, j'étais la seule dans la salle à avoir capté la vanne. Enfin, si, Thibaut a rigolé avec moi. On était deux sur une salle de 500. Bravo, Poiret. L'humour n'est pas vraiment dépassé, le concept prend toujours, c'est pas ça, hein. C'est juste que c'est archi bâclé. On a l'impression que ça a été fait à la va-vite. J'ai longtemps hésité avant de poser le dernier mot sur cette chronique, parce que je voulais pas être assassine, bon, c'est raté. Ah bon, je voulais être assassine. On n'avait pas compris. Ni vulgaire, mais il n'y a pas d'autre mot. C'est de la merdasse. Ah oui, j'ai envie de dire, c'était un festival.